Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Mieux-Laramin nous fait ses suggestions de musique à télécharger. Dans la chronique technologique CLX, on parle de nouvelles geeks. Assemblage requis, ça commence maintenant. Hey, bonjour et bienvenue à cette édition d'Assemblage requis en ce jeudi. Je m'appelle Mathieu Plante. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va? Ça va bien toi? Oui, petite journée tranquille aujourd'hui. Hein? Oui, en termes de plein de choses, il se passe pas grandes affaires. Là. Hein? C'est assez tranquille. Vas-tu aller au festival Western de Saint-Tite en fin de semaine? Sais-tu quoi, je vais essayer de ne pas, mais peut-être que. Il y a des accidents comme ça. Ça arrive, tu t'en rends pas compte, puis là t'es comme, whoop, déjà là. Non, mais c'est un beau festival, là, ouais, j'adore c'est tellement c'est populaire, cool. Genre 1 million de personnes qui vont là, j'exagère, là, mais ouais, c'est super populaire, full événement, puis je vais même vous en parler tantôt. T'sais. Ah, cool! Fait que, c'est pas parce que moi j'aime pas bien ça que c'est pas le genre de certaines personnes. Mais non! Plus tard dans l'émission d'aujourd'hui, à Assemblage requis, on va recevoir Maxime Lemieux-Ramé qui vient nous faire des suggestions de musique à écouter ou à télécharger un peu partout sur Internet. Ouais, c'est ça, hein, peu importe si on le télécharge ou quoi que ce soit. En fond, c'est les découvertes musicales de Maxime, c'est ce qu'on va nous partager vers la fin de l'émission tout à l'heure. Et aussi, tu vas nous parler de quoi dans ta chronique CNX? De nouvelles geeks, on va entre autres faire un petit tour des choses qu'Apple ont annoncé à leur grand événement qui avait lieu hier, là, des nouveaux iPod Nano, etc. Là, on en parlera tantôt, c'est vers les 15h20 dans la chronique CNX. Mais pour l'instant, on va s'en aller en musique, je pense. Oui, voici Mathieu avec Help, I'm Alive. Tu penses ça, toi? Tu penses qu'on s'en va en musique quand même? Je pense que oui. Pas mal sûr que t'as raison, OK One. Vous écoutez Assemblage requis. Jusqu'à 17h. We'll be right back. speeding like a hammer. Il peut obéir et tuer sans devenir fou, monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. Le nombre avec la pièce des zombies et des fleurs, le nombre qui est sur le palmarès francophone en ce moment avec couleur naturelle, tant mieux pour eux, on a hâte que ça monte leur autre pièce palmarésienne. Oui, aussi, le nombre sont en nomination au GAMIC cette année dans la catégorie album rock'n'roll de l'année avec leur album Ville et Fantastique. Et il reste encore du temps un petit peu pour aller voter pour les GAMIC, c'est jusqu'au 19 septembre. Donc il vous reste un petit peu plus qu'une semaine pour faire votre part, pour avoir votre poids dans la balance pour les gagnants du gala GAMIC. Vous allez au www.gamic2009.com. Là, vous arrivez vraiment sur le bulletin de vote. Le vote du public vaut pour 50%. Puis en même temps, vous allez voir là, toutes les catégories, toutes les nominations et vous pourrez faire votre choix. Super! Bonne chance, le nombre! Bonne chance, le nombre et tous les autres aussi. Là. Pas de favoritisme, Mathieu. Non, je m'excuse. Je m'emporte des fois, tu sais. Ça j'aime tellement le nombre. Plus tard dans l'émission, il va y avoir plein d'autres bonnes choses. La prochaine chronique qu'on va faire, c'est en fait la première et c'est la mienne, donc je parle de moi un peu. Si Yannick, c'est la chronique technologique, ça en vient plus tard. On va faire un tour des nouvelles geeks de la semaine. Entre autres, on va parler un petit peu de français. On apprend que le terme hacker en français, c'est un fouineur. Oh, plus c'est original, c'est coquin un peu. C'est cute, c'est presque gentil. Tu veux comme avoir des amis fouineurs, tu sais. Mais tu veux pas avoir des amis hackers, peut-être, je sais pas. Bref. On va reparler dans à peu près 5 minutes dans la chronique CNX, mais tout de suite, on va aller écouter le groupe Mother Mother avec la pièce Oh My Heart. Mother Mother qui était de passage au Québec il n'y a pas longtemps, ça arrive pas souvent parce qu'ils viennent de Vancouver, mais ils étaient au festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue en fin de semaine passée. Donc, je sais pas si ça a bien été parce que je suis pas allé, mais peu importe, on écoute la pièce Oh My Heart tout de suite de Mother Mother. Vous êtes à l'assemblage requis avec Yvan et Mathieu jusqu'à 17 ans. And stop. Assemblage Reiki jusqu'à 17h. Carl Ricudon et la pièce « Marcher au parc ensemble », extrait de son album « Anana Bongo Love ». Très bonne pièce. Oui, très bonne, très bon titre d'album, on ne dira jamais assez. Contre le tien, « Anana Bongo Love ». Anana Bongo Love. Ça fait « Beavis and Butthead », je trouve. Un petit peu. Je trouve pas. Maintenant, c'est l'heure de la chronique technologique CNX. Tash.com. Kiwan, aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, on parle de nouvelles geeks, donc des choses qui sont passées dans le domaine geek, mais c'est des nouvelles. Ça peut être un petit peu lourd, mais tu vas me le dire, j'espère. Okay, donc des choses qui m'intéresseront pas, donc ça t'es en train de dire. Non, je veux que tu me le dises si tu comprends pas ce que je raconte. Ok, c'est bon, je vais poser mes questions de débutant. J'espère. On va commencer par la grosse nouvelle d'hier, mercredi. C'était le gros événement rock'n'roll d'Apple. It's only rock'n'roll, but we like it. Là. Genre, ce n'est que du rock'n'roll, mais on aime ça. Un événement pour lequel Steve Jobs a assuré sa présence à San Francisco. Il était de retour au Yerba Buena Center for the Arts Theater. Hein? Plusieurs nouveautés ont été présentées par la compagnie Apple. Donc, quelques exemples que je lis sur le site de branchezvous.com en ce moment. Les iPod Nano d'Apple sont maintenant dotés d'une caméra, de microphone et de haut-parleur. Par contre, on peut faire seulement du film, pas de photos avec l'iPod Nano, c'est ce que j'ai lu. Crunchgear rapporte qu'ils intègrent aussi un podomètre. Les iPod Nano sont offerts dans une nouvelle gamme de couleurs, le rose, rouge, orange, vert, argent, bleu, noir et jaune. Peu de temps après l'événement, l'entreprise a baissé le prix de ses iPods dans les magasins en ligne. Donc, un iPod Nano de 16 gigs est maintenant à 149 US au lieu de 200 et le 8 gigs Nano 129 au lieu de 149. Les prix affichés sur le site canadien d'Apple en date d'hier étaient 8 gigs 169 et 16 gigs 199. C'est pas si. Mais pour un appareil photo, c'est quand même bien, ça. Ben, vidéo. C'est quand même beaucoup de sous, là, mais bon... C'est cher pour un lecteur MP3, mais par contre, la nouveauté que moi j'ai trouvé le plus cool sur le site d'Apple, c'est qu'il y a une radio dans l'iPod Nano. Oh. Les gens sont surpris, mais tu sais, je me dis, c'est juste un extrêmement gros retard de la part d'Apple. Ça aurait dû être là bien avant. Contrairement aux rumeurs, le nouvel iPod Touch ne sera pas doté d'un capteur vidéo, non. Néanmoins, l'iPod Touch intégrera une nouvelle version du système d'exploitation qui va ressembler un petit peu plus à l'iPhone, donc les gens disent 4 fois plus rapide que l'ancien iPod par rapport au nouveau iPod. Donc, logiquement, pour l'iPod Touch, un peu les mêmes caractéristiques. Le nouvel iPod Touch va profiter aussi du même processeur que l'iPhone 3GS, c'est ce que je disais. 50% plus rapide, dit l'article ici, fait que ça dépend des gens. Offert en version 64Go maintenant. Le nouvel iPod Touch de 32Go va être 300$. Je vais vous laisser voir le reste des prix sur le site parce que ça, c'est beaucoup de chiffres, je trouve. C'est pas un infopub non plus. Non plus. Nouvelle qui là va peut-être provoquer un débat. C'est en France. C'est un article sur rue89.com. Tu ne diras point spamming, mais arrosage. Hacker, mais fouineur. Hotline, mais numéro d'urgence. Cracker, mais pirate. Bombing, mais bombardement. Worm, mais vert. Flamme, mais message incendiaire. C'est tiré par les cheveux. Mais ça, ouais, ça, c'est l'interprétation des gens de ce site-là qui ont décidé ça. C'est pas encore dans la rousse, là. Tu vas voir. Inquiet pour l'avenir de la langue française, le ministère de la Culture mène inlassablement le combat. Le français sera moderne et indépendant. C'est pourquoi deux fois par an, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, la DGLF, édite son guide, et je cite, « Vous pouvez le dire en français ». À l'intérieur, une liste de termes publiés au journal officiel qui doivent être obligatoirement employés par les services de l'État. Hein, c'est pas rien, c'est pas des petites inventions. Hein. Non, non, non. Cette année, la DGLF s'intéresse au jargon informatique car l'informatique est sans doute la source la plus importante de l'emploi d'anglicisme en français. C'est pas faux. Il ne faut pas laisser s'installer une situation de fracture numérique. Car n'oublions pas, l'égalité des droits et des chances passe aussi par la langue. Mais à l'Université d'été des jeunes UMP à Senius-Land, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication, a mis en porte-à-faux ses propres services dans une sorte de one-man show plutôt de spectacle solo. L'article. Il a demandé d'arrêter avec cet anti-américanisme ridicule et a ajouté « Ce n'est pas parce qu'on mange des Big Mac ou qu'on porte des jeans qu'on ne peut pas lire Paul Valéry. » Non, c'est sûr. C'est sûr que la forme, ça reste la forme, là, je veux dire, le langage, les expressions qu'on utilise, là, mais quand même. Dans des situations officielles, je peux comprendre, mais il me semble que les Québécois sont pas mal meilleurs pour trouver des termes en français, je trouve. Ouais, mais je trouve que des fois, les Français se forcent vraiment pour dire un mot, une expression en anglais, ça fit même pas de façon verbale quand on le dit. On dirait des fois qu'ils se forcent, là, pour utiliser. Ouais. Ah. La vice-présidente du département des produits de recherche et de l'expérience utilisateur chez Google a fait l'annonce très, très officielle d'une grande amélioration. Ils sont très fiers de ça. Elle concernerait le champ de recherche du moteur Google, mais seulement dans sa version mondiale pour l'instant. Le grand changement qui enthousiasme tant Google consiste en l'agrandissement de l'espace dédié à la recherche sur sa page d'accueil. L'utilisateur va pouvoir saisir des thèmes de recherche et aussi dans la recherche avancée avec une police de caractères d'une plus grande dimension, puisque la boîte de recherche s'est faite agrandir en largeur et en hauteur. La taille de l'ensemble des boutons de la page d'accueil sous la boîte s'est aussi fait amplifier. Et là, ils sont tellement fiers, ils disent « Bien que cette idée soit très simple et le changement encore plus simple, nous sommes très excités à ce sujet parce que ça symbolise l'attention que nous portons à la recherche et parce que ça rend notre page d'accueil claire et minimaliste. » Est-ce qu'on dit combien de personnes ont travaillé à l'élaboration de ces changements? Pendant combien de temps? Combien ça a coûté? une trentaine de personnes, sûrement, des milliards de dollars. Ouais, ça pendant des mois pour finalement arriver avec la solution finale. On va agrandir la boîte de texte. Wow. Le pire, là, c'est que le 1er septembre de cette année, Google a obtenu un brevet américain pour la page d'accueil de son moteur de recherche. Donc, une page avec une boîte, un logo puis deux boutons. C'est copyright Google maintenant. Wow. Incroyable. Dans la nuit de dimanche, deux Australiennes de 10 et de 12 ans qui étaient prisonnières dans un collecteur d'eau pluviale ont eu le réflexe surprenant pour signaler leur détresse. Plutôt que d'appeler directement les secours à l'aide de leur cellulaire, elles ont préféré se connecter à Internet pour mettre à jour leur profil Facebook dans le but d'en informer leurs contacts. Pourtant, se connecter à l'Internet prend bien plus de temps et est plus compliqué que de signaler le numéro de téléphone de leurs parents ou le 000 qui appelle le 911 en Australie. C'est l'un de leurs amis sur Facebook qui a aperçu le message sur le réseau social et qui a finalement alerté les pompiers à leur place. Incroyable. T'sais, supposons qu'un humoriste là, voudrait faire de l'humour social puis parler du fait que les jeunes sont rendus de plus en plus axés sur toutes ces technologies-là puis ils sont rendus accros de Facebook. T'sais, c'est le genre de situation qui pourrait être mis dans un sketch humoristique. T'sais. C'est ridicule de le faire pour vrai. C'est incroyable qu'il ait vraiment fait ça. C'est presque dur à croire. Là. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Comment peux-tu penser à aller mettre ton statut Facebook à jour ou d'envoyer un reply sur Twitter? Parce qu'à un moment donné, 911, ça prend 30 secondes, c'est fait. Il a fallu qu'ils attendent quand même assez longtemps. La brigade des pompiers du Metropolitan Fire Service dit qu'en les ayant appelés directement, les fillettes auraient attendu beaucoup, beaucoup moins longtemps pour être sauvées. Que voulez-vous? À partir d'aujourd'hui, date du 10 septembre jusqu'au 13, la ville de Québec va accueillir son premier Twestival. Parlant de Twitter et de Facebook, cet événement local permettra de recueillir des fonds auprès des internautes pour la fondation Le Grand Chemin. Le Twestival de Québec survient dans le cadre d'une édition plus globale puisque dans un même intervalle de temps, des dizaines de milliers d'internautes vont participer au Twestival local dans plus de 200 villes du monde. C'est une organisation mondiale qui a été créée dans le but de tirer profit de la popularité des réseaux sociaux en récoltant des fonds auprès des internautes, notamment lors d'événements organisés par des bénévoles dans le but de soutenir diverses œuvres caritatives. Ils ont choisi la fondation Le Grand Chemin, qui est un organisme à but non lucratif qui offre des services gratuits aux 12-17 ans qui éprouvent un problème de dépendance à l'alcool. Ils visent 3 000 $ de collecte de fonds. Mais c'est quoi au juste, le Twestival? Qu'est-ce qu'ils font comme activité concrètement? Là? Quelqu'un veut participer à ça? Comment on fait? OK, bon, les participants, ils sont attendus au Twestival. Ils vont être accueillis au Pub Molson jeudi vers 19h, ça c'est ce soir. Plusieurs centaines d'internautes devraient participer à l'événement par l'intermédiaire du service de microblogage Twitter. Pour les renseignements, on va aller voir sur quebeccity.twestival.com et là-dessus, bon, ils parlent de plein de choses. Là. Il y a comment les suivre sur Twitter. Il y a même, tiens, allons voir rapidement qu'est-ce que ça dit. Un rassemblement d'utilisateurs de Twitter qui a pour but premier de recueillir des dons en argent, donc c'est vraiment juste pour amasser de l'argent. Je pense pas qu'il y ait tant de choses okay. que ça, à part peut-être être sur Twitter. C'est un genre de get-together financé. Attends, on va faire comme les Français, un rassemblement de personnes visant à ramasser des fonds. Ouais, voilà. C'est bien. Une étude anglaise semble démontrer que des activités comme mettre son statut à jour justement sur Facebook ou d'y rester en contact avec ses amis, de résoudre des sudoku ou de jouer à des jeux vidéo impliquant de la stratégie et de la planification auraient des effets positifs sur un élément clé de l'intelligence assurant la réussite sociale d'un individu. Ces activités seraient bénéfiques pour la mémoire de travail, la working memory, en ayant des effets stimulateurs. Ce type de mémoire implique à la fois l'habileté de se rappeler d'une information et la capacité de s'en servir ultérieurement. Quand même. Par contre, envoyer des mini-messages sur Twitter ou visionner des vidéos sur YouTube aurait l'effet contraire. D'après une chercheure associée à l'Université de Stirling en Écosse, cette dernière expliquait que ce serait le caractère instantané de l'envoi des messages qui aurait des effets nuisibles sur la mémoire de travail. Donc là, c'est sûr que cette étude-là va être citée maintenant par tous ceux qui vont se faire dire « Arrête d'aller sur Facebook, tout ça, puis de... » Ça devient finalement un genre de jurisprudence, une étude qui dit que c'est bon pour le cerveau d'aller mettre son statut à jour. Et voilà. Tu vois qu'il parle pas de MySpace, par contre, donc t'es un petit peu out là-dedans. N'importe quoi. N'importe quoi. Et on va terminer rapidement là-dessus. La chaîne Musique Plus invite les fanatiques de jeux vidéo, particulièrement de Rock Band, à démontrer leur talent et leur endurance au cours d'un marathon Rock Band Musique Plus qui sera présenté en ondes à compter du 22 septembre. Je vous invite à aller lire l'article sur assemblagerockey.com. Ouais, donc c'est ça, ils vont faire un genre de bed-in de rock band dans la vitrine de Musique Plus, c'est ça? Incroyable, ouais, les musiciens virtuels à compter de mercredi soir à 19h, ils peuvent remplir maintenant un formulaire pour envoyer une vidéo démontrant leur habileté. Quatre groupes de quatre personnes vont être formés et chaque groupe va devoir jouer le plus longtemps possible dans la vitrine de Musique Plus. Leur prestation va être diffusée sur Internet 24 heures par jour et au cours de l'émission L'Univers Musique Plus. Et à la fin, les musiciens vont devoir s'exécuter pendant 3 heures pour gagner le plus de points possible. Et lors d'une édition spéciale de l'émission, il va y avoir plusieurs prix. Wow! Allez voir musiqueplus.com ou passez par le lien sur assemblagerequis.com. Voilà pour la chronique CNX, on appelle ça le fil quand on fait des nouvelles comme ça. Il y a une autre chronique tous les jours, du lundi au jeudi à 15h20, et on les rassemble dans un seul fichier KeyOne. Oui, qui est présenté les lundis matin à 10h. Ça s'appelle CNX.zip. Tu commences à l'avoir. Je m'en viens pas pire. Tu vas la retenir un jour. C'est lundi à 10h, CNX.zip. C'est en direct et on rassemble toutes ces chroniques-là dans un seul package deal. Hey, on va s'en aller en musique, Mathieu? Oui, allons entendre du Slim Fuega. Avec la pièce, c'est Young Hussies. Vous êtes à Assemblage Requis. 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Shook the ceiling, humming on the brass duffers, blow soothing, tilting on a fruit jar in my bathroom, struggling, flashing, undone out the bedroom, laughing, gather plaything, let's a cold, we cut it up, we leave it swallowing. They call me Young Hussie, so call her Young Hussie. Cringing, crying on the doormat, bibbing, spitting through the mail slot, dodging bricks from out the window, listening, humbling, little tiptoes, slipping, hiding, climbing higher, up the awning, belly down, shake, poof, kiss me, Jimmy, you watch both of me without hurry. Call me Young Hussie. So call her Young Hussie. That makes us two, and it makes us so lucky. Breathing, counting, he came pounding, thrashing, ringing, shook the ceiling, humming on the brass duffers, close to tilting on a fruit jar in my bathroom, struggling, flashing, undone out the bedroom, laughing, gathered plaything, that's a comb, we cut it up, and we leave him slowly, cringing, crying on the doormat, even spinning through the mail, it's like dodging bricks from out the window, it's a humming little tiptoe, slipping, hiding, climbing higher, happy on and belly down, can't put your kids in jail, you're out of bogey without hurry, breathing, counting, eating, pounding, flashing rain, shook the ceiling, humming all the grass, the blue fell singing, tilting it on the fruit jar in my bathroom, scrubbing, flashing, wondering out the bedroom, laughing, gather blade, the rest of cold, cutting off the leaves, so pinching, crying on the doormat, even sitting through the mail slot, dodging bricks, throwing out the window, listening, hungry for a little tiptoe, slipping, hiding, climbing higher, out beyond, belly down, kicked up, she keeps me jelly, you're holding it without hurry, breathing, counting, you can't count it, flashing, ringing, shook the ceiling, humming all the grass, the birds, bustling, tipping, on this roof jar in my bathroom, struggling, flashing, running out the bedroom, laughing, gather the plate, who lets it go, cutting off, and blue slowly. We'll be right back. Siwan et Mathieu. Assemblage requis. S'est arrêté au-delà des mars et marées habitées à l'extrême des pôles d'inamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marais de Jean-Henri Bambelle, au creux de nénuphars irréels. Conduis-moi, ne t'arrête. Des nuits folles et délirantes sous les ponts de la liberté. L'eau est si bonne en équilibre sur le fil de la confiance que tu me donnes au sein même d'une étoile et bienveillante. Conduis-moi où le sucre casse son sel entre les forêts de vin en ribambelle, aux confins des abîmes de gel. Conduis-moi, allez. Où le temps s'est arrêté. Au-delà des mars et marées massacrées à l'extrême des pôles dynamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marais de Jean-Henri Bambelle, au creux de nénuphars irréels, aux confins des abîmes de gel. Conduis-moi, allez, conduis-moi, t'arrête-moi, conduis-moi, t'arrête-moi, conduis-moi, Yann Perrault et conduis-moi sur le palmarès francophone de C'est fou ça, et vous êtes à Assemblage Requis. C'est comme ça. Oui, et tantôt, en début d'émission, Mathieu, on parlait un petit peu du festival western de Saint-Tite. Hi-ha! Je n'avais pas vraiment l'intention de vous parler de la programmation détaillée du festival parce que, bon, à travers les autres hommages à Shania Twain et artistes locaux, c'est pas vraiment de la musique qui va nous intéresser. Mais je sais pas si tu connais à Saint-Tite la brasserie artisanale, la microbrasserie à l'affût. Non. C'est un petit bar là-bas qui est vraiment sympathique, qui pendant toute l'année, dans le fond, quand c'est pas le festival, présente des spectacles, souvent d'artistes qui jouent ici. Le genre d'artistes qu'on aime ici, assez fou. Une programmation toujours un peu alternative, un peu underground pour Saint-Tite, en tout cas, qui est quand même un village, vraiment une place intéressante. Et puis, ben, pendant le festival, ben, ils font pas exception. Continuent à présenter une programmation qui s'intègre bien dans le festival, mais qui est quand même différente et alternative. Et puis, justement, ben, en fin de semaine, Danny Placard va être du côté de la microbrasserie à l'affût à Saint-Tite, puis ça s'inscrit finalement dans le cadre du festival Western de Saint-Tite. C'est deux soirées avec deux autres groupes, les Swampards de l'Est, qui est un groupe... C'est bon, ça. Oui, c'est bon, hein, on en a joué ici aussi. Un genre de néo-country-rock montréalais, là, avec une sauce un peu urbaine. puis les Chaises Rouges, que je connais pas. Mais bon, les trois groupes, Danny Placard, les Swampards de l'Est et les Chaises Rouges, deux soirs de suite, vendredi et samedi, c'est à l'affût. Puis en même temps, ben, si jamais vous allez faire un tour là, vous informerez sur la programmation annuelle de la brasserie à l'affût. Petite place vraiment sympathique, ça. Cool. Ben justement, on va l'entendre du Danny Placard pour se donner une idée de ça. Oui, on va écouter la pièce Slush de Danny Placard. Vous êtes à l'Assemblage Requis au 89.1 FM. Cette belle soirée, je tiens à vous dédier un beau grand moment d'une rare intensité. C'est sur le bord de la rivière, en plein mois de janvier. Assis sur le bord de la rivière, en train de prendre ma grosse bière, une idée folle en plein hiver. Il faisait pas chaud, mais je pouvais relaxer. Puis ce qui était belle fun, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Ces policiers m'empêchent, je de consommer. Hey, hey, hey, hey. C'était que j'étais en pleine commotion. Les sons par de l'Est et la pièce Bord la rivière qui vont être en spectacle avec Danny Placard en fin de semaine à Saint-Tite au Festival Western. Voilà. Bon, voilà qui dit. Vous êtes à Assemblage Rocky jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et puis là, ben, je regardais dans mes événements Facebook, mon Kiwan. Tes événements Facebook. Et ça me rappelait qu'on a reçu Sébastien Dulude hier pour parler de sorties culturelles alternatives. Il nous avait parlé des capsules. Il était une fois à Trois-Rivières. Et ce soir, il y a un 5 à 9 au Charlot pour lancer ça. C'est les festivités du 375e de Trois-Rivières qui tirent à leur fin. Mais 3R Communication et David Leblanc, très bonne personne, réserve une surprise de dernière minute aux amoureux de la ville jubilée, dit-il. Jeudi soir, ce soir, les médias et le public sont invités au lancement des capsules vidéo. Il était une fois Trois-Rivières, une série historique à saveur humoristique qui présente le récit anecdotique de moments importants et parfois méconnus du patrimoine historique trifluvien, raconté par les meilleurs conteurs de Trois-Rivières. Ces histoires singulières prendront le web d'assaut à la mi-septembre. Ça a lieu ce soir à compter de 17h dans une heure environ. Sur les lieux, les invités vont pouvoir admirer les images de Benoît Payet, qui est un photographe de plateau lors du tournage des capsules. Puis sur les coups de 18h, les capsules seront présentées, précédant un bref discours des créateurs. Voilà, 100% trifluvien, 100% relève, qui ne risque pas de décevoir, c'est leur texte. Donc c'est au Charlot à 17h, en même temps vous pourrez déguster leur délicieuse sélection de bières. Ah, menoum menoum ça. Donc voilà, c'est ce soir au Charlot. On continue ça ici à Assemblage Rocky avec un autre beau bloc, mais celui-là un petit peu plus relax, je dirais. Ouais, très relax même. On va entendre là-dedans la patate rose, mais je crois qu'on commence tout de suite avec Chad Van Galen, l'Albertin, et la pièce Willow Tree. C'est un bon Albert. Jardinons avec Albert, comme on dit, c'est ça? Albert Mondor. Albert, le pouce vert d'Albert, je pense. Vous êtes à Assemblage Rocky. 89 FM. Jusqu'à 17h. neige comme des cendres au milieu de décembre. Comme le poids est lourd, comme le poids est lourd. Je porte sous le bras mille cahiers à la fois noircis de phrases belles écrites que pour toi. Et le sang qui me monte à la tête quand tu me parles d'elle. Et je souris pourtant et je sais que mon cœur est ailleurs dans tes sentiments. Je lance des cailloux à ta fenêtre et je lance des pierres pour que ton être se déchire, se divise et qu'il soit. Je parle d'elle et je souris pourtant. Et je sais que mon cœur est ailleurs dans tes sentiments. Mais je lance des cailloux à ta fenêtre et je lance des pierres pour que ton être se déchire, se divise et qu'il soit mien. Patin rose, une pièce nommée Duet Tassé. Duet Tassé. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'était assez smooth, ce bloc-là. Je pense que dans la deuxième heure, on va peut-être essayer de se réveiller un petit peu avec quelque chose qui va bouger un peu plus. Peut-être, et en plus, espérons-le, parce que Maxime de Mulleramé va être ici pour nous parler de nouveautés musicales à télécharger et à écouter. Oui, on ne sait pas ce qu'il va nous faire découvrir, on ne sait pas si ça va brasser, si ça va être tranquille, mais en tout cas, c'est dans une vingtaine de minutes environ. Puis au pire, s'il nous endort, on mettra du contenu super pas pertinent pour vous faire rire. Hein? Parce qu'on est tous dans l'humour, nous autres. Hein? Au pire. Restez là, c'est Assemblage Requis jusqu'à 17h. S'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les paysan chante un peu marxiste. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coup de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Moi je sais planter des clous, moi je sais rester debout. Moi je sais souder à l'arc et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide, moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat, moi j'ai des cales sous mes doigts. Moi j'ai toujours mes mains d'or, moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges, moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Kiwan, c'est toujours Assemblage Rocky, est-ce que tu savais? Ben oui, je viens de l'apprendre. Est-ce que tu sais que tu t'appelles Kiwan? Je sais que je m'appelle Kiwan et tu t'appelles Mathieu Plante. On est ici jusqu'à 17h et on est ici du lundi au jeudi. Ça, on pourrait dire en semaine à, on pourrait dire tous les jours, mais ça marcherait pas parce que c'est juste lundi au jeudi. 4 jours. Mm-hmm. Et le vendredi, les palmarès, c'est fou, faut pas les oublier, c'est demain. Oui, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission où on vous présente un paquet de choses, de chroniqueurs intéressants. Maxime Lemieux-Laramie va être avec nous tantôt. Mais pour l'instant, on va entendre du Damien Robitaille. Oui, c'est ça. On va aller écouter une autre pièce de l'album de Damien Robitaille qu'on a reçu cette semaine, qu'on a écouté mardi en première écoute, en nouveauté, avec les nouveautés CD. Puis c'est ça, j'ai eu l'occasion un petit peu de l'écouter. Je l'ai pas tant écouté. Là, fait que là, je me lance un peu là, dans une critique, mais c'est pas vraiment une critique. Là, c'est une première écoute, en fait. Puis peut-être que je vais changer d'opinion sur l'album de Damien Robitaille. Mais à date, on dirait que je l'aime un peu moins que ce qu'il faisait avant. Ça reste quand même authentique. En toi, tu disais l'autre fois, tu sais, oui, ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas changé, en fait, dans l'esprit, dans les textes, la naïveté qu'il y a dans les textes. Là. Puis, tu sais, c'est ça qui faisait vraiment la beauté du personnage de Damien Robitaille. C'est toujours là. Mais il y a une espèce de petit. La musique, il y a toujours un petit groove dedans, ou je sais pas, quelque chose qui on dirait qui appartient pas à Damien Robitaille. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est son album, c'est comme il le sentait. Puis peut-être qu'en spectacle, c'est comme ça qu'il veut montrer sa musique puis ses trucs là, puis ça va bien fitter sur scène. Mais je sais pas, moi j'avais l'impression que le petit côté un peu tristounet, un peu mélancolique qu'il y avait sur le premier album, j'aimais plus ça. Donc, ce petit côté-là, un peu groovy, je l'aime un peu moins. Donc, peut-être que je vais m'habituer parce que vraiment, là, au niveau des textes, on reconnaît vraiment bien Damien Robitaille. C'est toujours sa belle naïveté presque enfantine. Donc, ça reste quand même du bon matos. Puis, on va écouter la pièce L'Ermite dans la ville. C'est celle que je trouve qui ressemble le plus côté musical, là, qui ressemble le plus à ce qu'il faisait avant. Puis, elle est peut-être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus mélancolique. En tout cas, c'est un préféré là, après une écoute assez sommaire. Alors la voici tout de suite, Damien Robitaille et L'Ermite dans la ville. Voilà. Assemblage Rocky. Dans la multitude, il y a de la solitude, l'ermite dans la ville. Parmi la cohue, il y a un homme reclus, l'ermite dans la ville. La sauvage sur son île. You held my hand at the loading dock. it's your health above health. And show on me, cause your mom don't believe I speak true. Toujours bien des limites à laisser aller sans parler par-dessus à la fin. Hein? C'était The Lovely Feathers avec la pièce Loading Dock. Ça avait leur album Fantasy of the Lot. Et ça, c'était Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu. Et non seulement Kiwan et Mathieu. Hein, Kiwan? Mais oui, mais avec un invité maintenant. Un invité qu'on appelle Maxime Lemieux-Laramé et sa chronique Télécharge quoi? Ça aurait pu être la chronique faits inexpliqués ou situations mystères. salut Maxime, ça va? Hey, salut les gars, ça va bien vous? Oui. Super. Yes. Hey, Kiwan puis moi, on s'est vu en fin de semaine. On est allé voir... Hot date. On s'est vu sur un hot date. Double date. Double date. Une date sur les quais. Ouais, sur les quais. T'as-tu aimé ça, Kiwan? Ah oui, moi j'ai adoré ça. T'es parti tôt, hein? Ouais, je suis parti tôt parce que ouais, moi je m'en revenais à Shawinigan. Beaucoup de routes à faire, là, fait que je suis parti avant la fin. Mais quand même, t'es resté jusqu'au show de Creature. Ouais, c'est vraiment le spectacle que je voulais le plus voir, je pense, dans tout ça. Même si je les avais déjà vus, je voulais absolument revoir Creature. Il bouge beaucoup, hein? Toi, c'était la première fois, je pense, que t'es voyé, hein? Exact. J'en ai entendu beaucoup parler. Je sais qu'ils étaient venus au festival à quoi, cette année ou l'autre année d'avant? L'année dernière, mais ils sont revenus après le festival dans la dernière année à Trois-Rivières aussi. OK. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'était une découverte. Puis bon, ben toi, tu m'en disais du bien. Fait qu'on est resté pour le spectacle. C'était vraiment le fun comme journée. Tu sais, t'es proche de tout. Fait que quand t'es pas sûr de vouloir voir un show, tu t'en vas te promener proche du fleuve puis tout. C'est un peu ça que j'ai fait. Moi, l'artiste que j'ai... Bon, il y avait aussi Think About Life. Tu connais Mathieu un peu? Ça, j'ai jamais entendu le nom même, jamais. Ah non? Non. En tout cas, on l'a ici, là, Think About Life. C'est montréalais, anglophone. C'était très bon. Je pense que c'était juste après que tu partes. Think About Life, c'était excellent. Mais aujourd'hui, je présente un artiste. Pas un artiste, mais un groupe que j'adore, que j'ai découvert bon à Oceaga. Je pense que tu avais vu aussi, hein, Oceaga, Parler. Oui, puis j'avais beaucoup aimé leur spectacle à Oceaga. Alors, Parler, c'est épelé P-A-R-L-O-V-R. Mais je pense que le V n'a pas rapport. Hein. Faut dire Parler. En tout cas, les membres du groupe disent Parler. C'est leur premier album éponyme. Alors aujourd'hui, bon, j'ai décidé d'y aller. Il y a vraiment beaucoup de bonnes tunes. J'en écoute au moins 5-6 régulièrement. J'ai décidé de prendre la première pièce du CD. Alors, ça s'appelle Pen to the Paper et c'est Parler, artiste montréalais. Oui, c'est montréalais, ça. Anglophone. Cette pièce-là, je pense, a déjà été même sur les palmarès. Wow! Ouais! On écoute ça à Assemblage Requis. Télécharge quoi? Télécharge quoi? Puis moi, tu sais, un album éponyme, je dirais un albonyme. Ouais, homonyme. Quoi? Un albonyme. Albonyme. Non? C'est bon, albonyme. C'est bon, ça, on va albonyme. Vendu! Thank you. C'était Pen to the Paper du groupe Parler. Et avec un V. Puis on se disait, pendant que la pièce jouait, que l'énergie sur scène est vraiment complètement différente que celle de l'album. Ouais, hein? Ouais. Il y a des pièces quand même entraînantes sur l'album, mais en show, là, c'est incroyable. Moi, ouais. Je les ai vus trois fois en show. Une fois à Oshiaga, ils ont ouvert pour Franz Ferdinand, puis on les a vus en fin de semaine à M sur le quai. Là, puis c'est toujours le fun. Tu vois que les gars, ils ont du plaisir à jouer, puis vraiment agréable. Puis c'est ça, ce CD-là, là, l'album... L'album homonyme. Ouais. Bon, il est sorti en 2008, mais j'en parlais aujourd'hui parce que il y a un EP. Comment qu'on disait ça? Dépendant un EP, un maxi. Un album avec plus qu'une toune, on pourrait dire aussi. Alors, il y a un album avec 3-4 tounes qui va sortir prochainement pour faire le lien avec un futur album long. Complet. Ouais, complet. En 2010. Le chanteur dit en 2010 à peu près qu'il va avoir un nouvel album. Mais il y a un maxi qui sort prochainement pour faire le lien entre les deux. Pour nous faire patienter. Exactement. Alors, deuxième artiste que je présente aujourd'hui. Dans la chronique télécharge quoi. Dans la chronique télécharge quoi? À l'émission Assemblage Requis. Avec Maxime Lemuller-Amé à la chronique. Ouais, c'est moi, Maxime. On en rajoute toujours. Salut. Salut, Max. Ça va? Fait que c'est ça, je sais pas si vous connaissez The Dodos. Non, je connais pas. Non, OK. The Dodos, bon, en fait, ça fait peut-être un an que moi, je les ai découverts avec l'album Visitor, qui est sorti en 2008. C'était leur troisième album. Mais là, mardi prochain, le 15 septembre, il y a un nouvel album intitulé Time to Die qui sort. The Dodos, moi, c'est ça, je les ai découverts. Je les ai vus en show une fois au Festival de Jazz cet été, en fait. Ils faisaient la première partie de Beirut. Alors, c'était dans le cadre du Festival de Jazz. C'était excellent. Puis bon, c'est ça. Là, je présente la chanson Fables. Alors, c'est le single de l'album Time to Die. Time to Die en magasin mardi de Dodos à la chronique Télécharge quoi. Donc, c'est une primeur. Ça va être sur l'album qui est même pas sorti encore. Exact. Cool. Je vais faire des jeux de mots avant d'y aller parce que c'est ma spécialité. Vas-y. Métro boulot Dodos. OK. Ou encore pipi caca de Dodo. Ah, de Dodo. Dodo, Dodo. Lolo. T'es bon là-dedans. Oh, c'était pas mal le calme. On va écouter la toune. Ouais. Bonne idée. Métro boulot de dose. Non? Écoute. OK. We spoke today to a jury. We'll be right back. Alors, c'était le groupe de San Francisco. Comment on dit ça, quelqu'un qui vient de San Francisco? Bonne question. Hein? San Francisco? San Franciscain, peut-être, je sais pas. San Francisco. Alors, le groupe, le groupe californien. Hein? Ah, c'est bien ça. De Dodos avec la pièce Fables de l'album Time to Die qui sort mardi le 15 septembre. Est-ce qu'on prend ça relax avec une petite pause? Genre? Je pense qu'on devrait, ce serait pas pire. Moi, gamin, ça, gamin. Pause. C'est comme un mystère irrésolu tout ça. La suite après la pause de l'assemblage requis jusqu'à 17h. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage requis, c'est toujours la chronique mystérieuse. Télécharge quoi avec Maxime Lemieux-Laramé, son troisième choix de la semaine. Ouais, déjà dernier troisième choix. J'ai choisi Julian Plenty. Julian Plenty is Skyscraper. Qu'est-ce que c'est, Julian Plenty? C'est le chanteur Paul Banks de la formation Interpol. Interpol, ça vous dit quelque chose, les gars? Oui. Alors, il s'est parti un petit projet à côté, solo. Julian Plenty is Skyscraper. C'est sorti au début du mois d'août dernier. Alors, ça sonne un peu à l'Interpol. Interpol, c'est New-Yorkais. Toutefois, Paul Banks, lui, est né en Angleterre, puis je trouve que ça a un petit son londonien un peu. Hmm. Alors là, c'est la pièce Games for Days que j'ai choisi. Pas mal le single de l'album. Alors, je vous le conseille, Julian Plenty. Interpol, qui sont comme un peu le premier groupe qui a lancé, parmi les premiers groupes qui a lancé tout le son qu'on entend aujourd'hui, ouais. Là, le son indie rock new-yorkais. Ouais, un peu comme Editors, ça dit quoi Editors? En tout cas, je trouve que ça ressemble à Interpol, un peu ouais, indie rock new-yorkais. Ouais, tout le son là, presque qu'on aime ici, là, tout l'anglo presque là, indie rock qui joue ici, là, ça découle pas mal de ce que Interpol a fait au départ, c'est quand même plusieurs années. Ouais. Donc, on va voir peut-être son album solo, s'il va lancer une nouvelle tendance. C'est ça. Il y a un peu aussi, il fait des trucs sûrement qu'il voulait faire. Là, ça sonne, des fois, il y a des chansons un peu électro, un peu smooth qu'on n'entendra jamais sur Interpol. Mais la chanson que j'ai choisie, Games for Days, là, ça sonne Interpol, puis ça accroche, ça rock. Cool, hein, écoute ça. Moi, je vais rien dire parce que sinon, tu vas me dire, interromps pas la chanson, interromps pas la chanson. Arrête, man. J'essaie trop, hein. Je sais. De l'assemblage requis jusqu'à 17 ans. I take it all. The Games for Days de Julian Plenty, de son album Julian Plenty et Skyscraper, ma troisième découverte ou truc à downloader. Très ou, bon choix. Artiste à découvrir. Je trouve que ça brassait un petit peu plus peut-être que du Interpol. Hein. Tu trouves? Ça dépend quelle pièce d'Interpol. Des fois, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même capables. Mais Interpol, si vous connaissez pas ça aussi, hein, à découvrir, artiste mythique. Ouais. Là, c'est ça, je voulais, avant que je quitte. Oui, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, c'est ça, la semaine prochaine, il y a beaucoup de sorties d'albums à surveiller. Il y a DJ Champion, bon, qu'on connaît tous, un peu commercial, mais tu sais, faut laisser de la chance au coureur, hein. Ouais, c'est ça, puis il y a juste quelques pièces qui sont devenues super jouées dans les radios commerciales. Le reste de ce qu'il fait, ça n'a pas joué ailleurs. Ben, c'est ça, moi, je pense que c'est. C'est quand même bon, là. C'est ça, ça vaut la peine d'être au moins écouté une fois. Exact. Il y a The Dodos que j'ai présenté tantôt. À découvrir. Et il y a aussi Islands, groupe montréalais anglophone. C'était les anciens de Unicorns, si ça vous dit quelque chose. Alors, ça va être leur troisième CD, je crois, Islands, à découvrir mardi. Ça sort en magasin ou vous le téléchargez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais légalement. Ouais, c'est ça, légalement. Mais je surveille pas. Non? Non, moi, je surveille personne. T'es pas Big Brother? Nah. You're not Big Brother. Moi, je vous laisse là-dessus, les gars. Merci. Parfait. On se retrouve jeudi prochain. C'était bien le fun. Beau travail encore, Maxime, le meilleur ami. Ciao. À la semaine prochaine pour sa chronique Télécharge quoi? T'aimes ça quand je fais ça? Ça fait comme ça rappelle le thème et tout. C'est cool. T'aimes ça? Ça fait comme mystérieux. Oui. On devrait résoudre des crimes à l'assemblage requis. C'est déjà pas pire, ça. On amène quelqu'un, un meurtrier, quelqu'un. Faut le trouver. Quelqu'un qui a tué un lapin, quelque chose, je sais pas. On pourrait faire une série télé avec ça, ce serait super original. Bah ouais, c'est ça. Vraiment. J'appellerais ça à ta minute. Attends. Il y aurait comme. Ce serait des mystères. Puis tu mettrais, à la fin, tu mets ta feuille dans un dossier. Tu appelles ça dossier mystère. Aïe, aïe, t'as des idées incroyables. Pas pire. Hein? On s'en va à musique, voici Kid Kuna. Oui, avec la pièce Brillantine. Puis Kid Kuna, vous savez, j'ai parlé un petit peu plus tôt du gala des Gamics qui va avoir lieu le 4 octobre prochain, mais c'est comme un genre de breaking news parce qu'entre-temps, depuis le temps où j'en ai parlé, la programmation du gala en tant que telle a été dévoilée. C'est sorti aujourd'hui pendant l'émission, en fait. La programmation a été dévoilée. On est vraiment si à jour que ça ici. C'est vraiment là up-to-date, ça. C'est incroyable. Donc, Kid Kuna va faire partie de la programmation du gala. Il va y avoir aussi Yesterday's Ring, Mauvaise Herbe, Random Receipt, Mademoiselle Giraffe, Extérieur, Dom Le Beau aussi, choix douteux. Bernard Adamus. Oh, éditorial, ça? Oui, c'est très éditorial. Pas subtil du tout, si je te le dis en plus, puis je remets l'accent là-dessus encore. Ouais, tu voulais vraiment souligner mon édito. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est le 4 février prochain. Les billets sont en vente sur Ticket Pro pour aller assister au gala de l'alternative musicale indépendante du Québec. Ou le sont-ils vraiment? Wow! Et puis aussi, pour finir avec les Gamics, c'est animé cette année par le groupe United Steelworkers of Montreal qui vont servir de house band et d'animateur. C'était animé par Rémi-Pierre Paquin avant les deux années précédentes. Donc, c'est maintenant de United Steelworkers of Montreal qui vont animer ce gars-là. Et là, tu veux nous faire un dernier cue avec ta toune de... Ben, si tu le dis, c'est plus drôle, par exemple. Je vais dire, ont-ils tué Rémi-Pierre Paquin? C'est un dossier que nous allons résoudre. Brûle mon intro, man. J'avoue, par exemple. Mais c'est parce que j'adore, je trouve ça super bon. J'adore ça. Je trouve c'est, ça cool. C'est une pièce de Biobazar en passant pour ceux qui seraient intéressés. Là, je viens vraiment de détruire tout le mythe autour de la chronique de Maxime. Désolé. Ouais. Oublié. Peut-être un jour, le mystère reviendra-t-il? Non, là, ça marchait pas, par exemple. Kitkuna, Briantine, assemblage requis. L'émission en pièces détachées. Assez fou. Briantine et Kitkuna qui va faire partie de la programmation du Gala des Gamics cette année. Kitkuna. Kit Chanteur des Ghouls, toi, t'aimes pas vraiment ça, hein? Ben merci. Non, mais en fait... Sois honnête. Je vais être honnête, ouais, c'est ça, faut le dire, quand même, quand on aime moins quelque chose. Donc, j'aime cette pièce-là en particulier. La voix de Keith Kuna, par moment, me tape pas mal sur les nerfs. Disons que j'écouterai pas l'album au complet, c'est pas mal ça. Mais sinon, en petite dose, ça va. Moi, tu vois, la voix de Keith Kuna, je capote sur cette voix-là. J'adore les Ghouls. En fait, j'ai pas aimé l'album. J'ai acheté l'album solo là, de Keith Kuna, Les Années Monsieur. J'ai pas vraiment aimé parce que c'est pas du tout le style des Ghouls. Puis c'est surtout vraiment pas homogène comme son. Là, ça varie beaucoup trop. Mais les Ghouls, ce sera toujours un de mes groupes québécois préférés. Je trouve qu'il crie beaucoup, tu sais. Ouais, effectivement, il crie, mais ouais, c'est particulier, j'aime ça. Il y a des groupes comme ça que un élément t'achale un peu, tu sais, comme ça peut être, mettons, Madame Moustache, quand t'aimes pas la voix. De... Ouais, c'est ça, puis on n'est pas obligé de tout aimer non plus, c'est correct. C'est bien correct. Ouais, tu sais. Puis on se complète comme ça avec nos choix musicaux, à l'assemblagerie. Bon, c'est déjà presque la fin de l'émission, mais avant ça, il nous reste le temps d'une dernière pièce avant de revenir avec la fin de l'émission. On s'en va écouter Creature. Oui, c'est ça. Maxime nous en parlait tout à l'heure. Il n'a pas eu le temps de faire passer une pièce de Creature, donc on le fait pour lui, la pièce It's Over de Creature, qui ont donné tout qu'un spectacle la semaine passée à Montréal. Tu vois, Maxime le mineur aimé, il s'éparpille un peu dans l'émission. C'est comme de la confiture. C'est comme, tu sais, t'as Creature, que t'avais tantôt, que vous avez mentionné, qui était en Earth, t'avais Creature. T'avais un autre Parler. Oui. Puis de la confiture. De la confiture. C'est un assemblage de qui? Creature. Des rimes en heurt, t'entends jamais ça dans une toune, tu sais. Nothing can be Creature et la pièce It's Sober de leur album No Sleep At All à Assemblage Requis. Oui, c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui et pour cette semaine. Oui, c'est la dernière de la semaine, donc on va faire nos remerciements habituels de la fin de la semaine. On a reçu en chronique François Landry avec sa chronique politique, on le remercie. Va voir ailleurs si je suis, c'est Sébastien Dulude. Aujourd'hui, on a eu Maxime Lemulin-Ramé avec Télécharge Quoi. Et puis sinon, on remercie qui d'autre? Toute l'équipe de C'est Fou. Bien sûr. Toute l'équipe du Zone Campus. On remercie Vanessa Parietta. Vanessa Parietta pour la musique. On ne remercie jamais assez. On ne remerciera jamais assez. Jamais, jamais, jamais. On va être de retour lundi avec une toute nouvelle émission entre 15h et 17h ici à Assemblage Requis. Mais par contre, avant ça, il y a demain. Oui, demain à 17h, les palmarès C'est Fou que tu vas animer seul demain parce que je ne pourrais pas être là. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont des habitués de C'est Fou, la dernière porte à gauche qui était toujours diffusée les vendredis soirs à 20h depuis presque 3 ans va changer de case horaire. Donc, mon émission du vendredi soir, la dernière porte à gauche, va être déplacée un petit peu plus tôt. On va vous en reparler parce que tu vas être juste après Assemblage Requis, donc normalement. Oui, c'est ça. Donc, ça devrait être à 17h. La journée n'est pas encore fixée, mais surveillez le cfou.ca. Les détails vont être annoncés sous peu. Voilà. Sinon, on se retrouve lundi prochain pour Assemblage Requis. Absolument. Et allez voir assemblagerequis.com pour les liens de l'émission de ce soir et pour télécharger la balado-diffusion. On passe une bonne fête de semaine, Kiwan. Oui, merci, Mathieu. À lundi. Et pour nous, à vendredi, à demain pour les palmarès et pour les autres qui sont pas Kiwan. Kiwan, t'as compris le premier message? Le deuxième, c'était pas pour toi, là. Écoute-le pas, le deuxième, Kiwan. Bye.